Lord, show Malkai mama, pour me parler pour vous, parce que vous toi fréquent. Il même dit déclaré, si tel maladie, yo van mouen a marché. Sans seul bagay pour me faire, si l'elle tombe troisième, c'est mettre qui croit lit. Le ça l'a respecté, la vie n'a doré, la page nous n'a bien. Yo jour, li vin parat li di, bonjour chéri. Moi même, tellement saisi, m'oblige pas à parler. Rencontrer, il tombe embrassé, moi fais déclaration. Moi si tellement content, mal tombé non piquant, juste la ruelle piquant. Moi si tellement vexé, moi monté ma disant, mal et la caille sans son. Tombé fait mauvais sang. On peut cracher ça, vine qu'on va si yo pa à la chita ma fleuri pata ma be fleuri non pas besoin parler yo ménage moi mourir moi t'es dans l'autre pays mais ma be joui yo téléphone moi ce jour là émotionné, les amis, quelle douleur, je dis à trouver mon malheur, mes amis, quelle douleur, je dis à trouver mon malheur. Il est oui, ménage moi mourir, qui monde m'a joint pour consoler. Mais dis-moi mon copain, mon copain, mon copain, mon copain, Reviens mon copain, reviens, pas crier mon copain, pas crier. Allez qu'il est oui, mais là je veux aller. Qui monte ma joie pour consoler. Reviens mon copain, reviens, pas crier mon copain, pas crier. Reviens mon copain, reviens, pas crier mon copain, pas crier. Allez qu'il est oui, mais là je veux mourir. Qui monte ma joie pour consoler. Reviens mon copain, reviens, pas crier mon copain, pas crier. Reviens mon copain, reviens. Il faut courage.